Tu attribues la femme du monde. Femme noire, tu attribues la femme du monde. Kitele Kinambouti est la première femme d'Afrique. Ma Kimpa Vita, j'ai compliqué, tu es Jeanne d'Arc de l'Afrique. Vous avez raison, l'histoire a donné raison. Vous avez raison, l'histoire a donné raison. Vous avez raison. Ça me fait mal, ça me fait beaucoup pleurer. À chaque fois qu'arrive le ballon des sous-vêtements, les femmes africaines se précipitent comme des fourmis à ailer devant une lampe, sans pourtant réfléchir que parmi ces ballons des vêtements fournis aux Africains, l'on y trouve des vêtements des femmes malades, sorcières, qu'ils utilisent avant d'envoyer en Afrique. Oh femmes africaines, quel degré de l'ignorance! Vous achetez vos propres maladies et malédictions avec vos propres argent. À ta vous-même, avez-vous déjà vu des blanches chinoises indiennes porter des vêtements africains? Si les vêtements n'avaient pas d'influence spirituelle, et aussi devaient porter ceux des Africains, tels que Boubou, Bazin, Rafiel, Baya. Mais hélas, nos anciennes, elles n'ont jamais exposé leur corps. Femme africaine, tu n'es pas seulement femme du 8 mars. Femme noire, tu es femme des valeurs, les berceaux de toutes les races. Femme noire, femme noire, femme noire. Femme africaine, tu es la plus belle femme du monde. Femme noire, tu es la femme du monde, femme africaine, tu es la plus belle femme du monde, femme noire, tu es la plus belle femme du monde. Pavita, Zinga Matamba, Mama Midaki, Mama Kiala Sanza, Mama Landu Mabele, Mama Kiwa Mwese, Sogolon Keju, Mama Kotime, Mama Berenice, Mama Nkenda Samba, La Reine de Saba, Kaka Luila, Kaka Kitadi, Yalu Kula Nkusu. Aux politiciens africains, oublions d'abord vos différences angolaises, congolaises, sénégalaises, ouest-africaines, sud-africaines, afin de bien servir dès maintenant notre chère mère Africa, qui a grandement besoin de votre contribution et participation pour sa reconstruction. En plus, cherchez à ce que vos combattantes soient éveillées et évitez de les aimer rien que pour un profit unilatéral. C'est que lors des élections, ils vous soutiennent, ensuite les délaissent à la merci de tous. tous ceux qui veulent les choses ici.